content. À ça le coup j'ai pas trop le temps, j'te donne 10 kills mais tu fais content. Y'a les conquêtes avec le bédo, j'suis posé tranquille au bendo. Pour un kill tu manges des pots, j'suis pas parfait j'ai des défauts. J'ai mis la moto sur la béquille, c'est la frappe fichie qui te quitte. T'es pas beau tu crois t'es qui, j'mets la première, deuxième et j'te quitte. Y'a sans j'écuter sous vodka, j'ai au pouce c'est bon l'avocat. T'as niqué sur Zora, Marseille c'est devenu Gomorra. On a tout fait le coup, on a guetté, on a jolé. Il a serré la couche, c'est une folle, on la connaît. Je l'ai croisé vers la tour, je crois qu'il avait le bracelet. Il avait rien à voir, il a serré, il s'est mêlé. Quand je regarde les étoiles, je pense aux frères qui sont là-haut. Hier ses yeux me regardaient, aujourd'hui les miens versent des larmes. Toi, tu lui tends la main, demain il te donne encore. Je vais tu pas rester ici si je fais des sous à Saint-Louis-Go. Ne m'en veux pas, c'est que j'ai galéré. J'ai pas connu papa, mais maman elle a géré. Je me rappelle que j'avais 12 ans, mon frère était incarcéré. Ma mère sort du parloir avec les larmes, le cœur serré. J'ai fini Garbo, resté dans la vago. J'ai rentré en taco et elle a trop la boco. Plata ou Tomo, fais sortir le scorpion. Ça nique des algas. Yo, t-shirt, t-shirt, croco. On a bouffé le couze, on a guetté, on a jolé. Il a serré la couze, c'est une folle, on la connaît. Je l'ai croisé vers la tour, je crois qu'il avait le bracelet. Il avait rien à voir, il a serré, il s'est mêlé. Quand je regarde les étoiles, je pense aux frères qui sont là-haut. Hier ses yeux me regardaient, aujourd'hui les miens versent des larmes. Toi, tu lui tends la main, et demain il te donne encore. Je vais pas rester ici si je fais des sous à Saint-Louis-Go. J'ai quitté la zone, j'ai coffré les verres pommes. Ils ont pété la sauce, t'inquiète, ils connaissent les doses. Je vais faire un plan sur Snap, je vais te rentrer dans le rap. Belle vie sur la table, je retrouve même plus mon portant. On a tout fait le coup, on a guetté, on a jolé. Il a serré la couche, c'est une folle, on la connaît. Je l'ai croisé vers la tour, je crois qu'il avait le bracelet. Il avait rien à voir, il a serré, il s'est